La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les récits d'espionnage fascinent parce que la frontière entre le vrai et le faux y est constamment déplacée au sein d'un brouillard dans lequel évoluent des personnages isolés de leurs proches, de leur pays et de leur père car ils vivent dans un monde où la confiance est impossible. Mais c'est probablement parce qu'il n'a pas pu avoir confiance ni en son escroc de père, ni en sa mère qu'il abandonna avec son frère, que John le Carré est devenu le grand romancier que l'on connaît, comme nous l'avons vu hier avec Isabelle Perrin au cours d'une émission que vous pouvez retrouver en podcast. Demain, nous nous intéresserons à un autre espion écrivain en la personne de Graham Greene, cet écrivain graphomane qui écrivait pour déjouer un ennui qui le poussait vers l'alcool et la dépression. Enfin jeudi, nous ouvrirons dans plusieurs sens notre thématique, d'abord avec François Rivière qui viendra nous parler des origines du roman d'espionnage et ensuite avec la romancière Marie Connet qui propose un renouvellement du genre par une écriture poétique dans son dernier roman Épopée. Et aujourd'hui ? Vous savez, il y a des gens qui ont vu un tigre passer par la route et qui ne peuvent pas décrire un tigre. Il y a des gens qui ont vu un chat chasser un souris et qui peuvent décrire l'expérience d'un souris. J'appartiens aux gens qui peuvent décrire l'expérience du souris. Aujourd'hui, pour aller plus loin dans l'analyse des romans de John le Carré, cet écrivain qui n'a pas eu besoin de tigre pour faire frémir ses lecteurs, nous sommes en duplex de Rennes avec Dorothée Huchet, autrice d'une thèse de doctorat intitulée « La fiction de John le Carré à l'ère du soupçon, du roman policier au roman d'espionnage ». On lui doit aussi un article dans le magazine littéraire numéro 572, article dans lequel elle montre la complexité du monde de John le Carré à l'opposé de celui de James Bond. Je crois quand on voit un film de James Bond, on se dit « Ah ah, je pourrais devenir un homme comme ça. Je pourrais aimer les jeunes filles comme ça. Je pourrais conduire comme ça. Je pourrais poser des cigarette lights, briquet, qui prend des photographies. Je pourrais devenir ce type. J'espère de devenir ce type. Quand on lit mes livres, peut-être, on se dit, ah ah, je pourrais aussi devenir ce type. Le bon Dieu garde que ça arrive. Ah ah, extrait d'un entretien de John le Carré accordé à Gilles Lambert en 1974 dans lequel il pointait la différence entre son œuvre et celle du père de James Bond. Bonjour Dorothée Huchet. Bonjour. La comparaison entre ces deux écrivains, Ian Fleming, John le Carré, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de la faire, elle vient même tout de suite à l'esprit. Bien sûr, parce que à l'époque en fait où Ian Fleming a commencé à écrire ses romans, eh bien, on avait, ou en tout cas, plutôt, devrais-je dire, quand il écrivait ses romans, donc dans les années 60, en fait, début des années 60, c'est 61, la date également où sort L'espion qui venait du froid de John le Carré. Donc évidemment, le contraste est tel à ce moment-là qu'on ne peut pas ne pas faire la comparaison, en fait. Et les journalistes, les critiques s'y sont donnés à cœur joie. Donc c'est ça, ils étaient contemporains, Fleming était quand même sensiblement plus âgé. Voilà, plus âgé puisqu'il est décédé en 63 et le Carré a commencé à écrire précisément dans les années 60, en 60 en fait, son premier roman. Donc contemporain sur une très courte période, mais James Bond n'est pas mort avec Ian Fleming puisqu'il continue à vivre dans les aventures, dans ses aventures, dans les livres et dans les films aussi bien entendu. L'écriture en fait des aventures de James Bond ayant été reprise par d'autres auteurs. Oui. Alors, depuis lors en fait et continue. Oui. Ce qui fait tout de même que John le Carré, quand il commence à écrire, il a évidemment en tête ce personnage de James Bond. Dans quelle mesure on peut considérer que c'est par rapport à lui aussi qu'il va créer ses propres personnages, Dorothée Huchet? Alors, je ne pense pas que ce soit par rapport forcément à James Bond qui va créer l'antithèse finalement de ce personnage. C'est plutôt finalement, Le Carré est plutôt dans la veine d'un roman d'espionnage dit ironique qui est né en fait avant Ian Fleming, qui est né sous la plume par exemple d'Eric Ambler ou encore Graham Greene justement, dont je crois l'émission de demain parlera. On en parlera demain, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt, en fait c'est ça, il faut, quand on, surtout le problème du roman d'espionnage français, c'est qu'il est très différent du roman d'espionnage anglo-saxon et notamment le roman d'espionnage anglais qui est plus développé et qui a vraiment ces deux veines en fait, ces deux branches en quelque sorte qui sont nées d'ailleurs dès le début du XXe siècle où nous avons d'un côté donc le roman d'espionnage dit héroïque donc que James Bond représente très bien dans les années 60 mais qui existait déjà avant et on a une branche plutôt du roman d'espionnage dit ironique comme je disais qui est beaucoup plus sombre, moins manichéen par exemple où le héros ne va pas forcément gagner et sauver le monde lors de chaque aventure et bien sûr Le Carré appartient plutôt à la deuxième branche de cette littérature d'espionnage. Mais alors vous dites que il ne se définissait pas en contre Le Carré par rapport à Ian Fleming. Pourtant, il a quand même écrit qu'il travaillait pour un public qui était accro à Bond, c'est une citation, et attendait un antidote. Oui, absolument, c'est ça. C'est vrai, je pense que c'est plus un constat, moi je l'entends comme ça, en tout cas un constat qui fait qu'il a eu beaucoup de succès à cette époque-là, surtout donc avec son troisième roman, L'espion qui venait du froid, précisément parce que peut-être les gens étaient lassés ou en tout cas étaient face à cette atmosphère un peu simpliste de James Bond qui reprend en plus toujours la même formule avec donc, le monde que l'on doit sauver, James Bond victorieux à la fin, etc. C'était probablement plus un moyen d'expliquer son succès. Je l'entends plutôt comme ça, moi, en voyant en tout cas l'ensemble du roman d'espionnage du genre, voyant le genre dans son ensemble. Oui. John Le Carré méprisait James Bond, hein, il l'a même dit, je crois. Oui. Et le grand public, alors, a-t-il choisi Ian Fleming par rapport à John Le Carré, finalement, avec le nombre de films aussi très important qui a été fait sur James Bond, il y en a eu davantage que d'adaptations de John Le Carré? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça continue de nouveau. Alors, il faudrait voir les théories de la réception, probablement, pour être plus précis quant à ce rapprochement du public ou du choix du public pour l'un ou pour l'autre. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes lecteurs, d'ailleurs, pour les deux auteurs. En tout cas, chez Le Carré, on va chercher quelque chose et on va trouver quelque chose de très différent de James Bond, où on va avoir quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité, justement, du monde dans lequel on vit. On va avoir des problématiques dans lequel le lecteur va pouvoir se retrouver. Si on prend l'extrait, on se rappelle l'extrait qui vient de passer il y a quelques minutes, c'est exactement ça en fait, cette idée que le héros de Le Carré peut très bien être n'importe qui d'entre nous, finalement, n'importe quel lecteur. C'est sans doute... Alors, il dit que pour James Bond, c'est également le cas, je ne suis pas complètement convaincue, mais pour Le Carré, oui, c'est un héros ordinaire en fait. Et c'est en cela aussi qu'il casse... Avec la veste cintrée exactement où il ne faut pas. Oui, c'est ça, et c'est là où il casse avec les romans précédents en quelque sorte, où et même James Bond d'ailleurs, hein, qui sort d'une public school, donc une école privée, qui sort donc de Oxford, Cambridge, etc., et où tous les dirigeants finalement britanniques, c'est la ligne en fait, hein, royale, disons, pour tous les dirigeants, l'establishment britannique, et les héros de Le Carré sont différents. Ils viennent justement d'écoles pas forcément privées, mais publiques. C'est aussi la naissance d'un héros moderne, alors post-moderne, on va sans doute en parler. Bien sûr. Mais en tout cas, qui n'est pas dans la lignée de ce qui précède. C'est vrai que là, il y a une vraie coupure aussi qui s'est faite. Pas nécessairement en réponse à, mais qui est tombée au bon moment. Moi, je verrais ça plutôt comme ça, disons. Est-ce que ça ne le rapproche pas aussi davantage du roman policier? On va peut-être parler un petit peu de la différence entre le roman policier et le roman d'espionnage, mais c'est vrai que dans le roman policier, on a l'impression que le réel est vraiment très présent, et c'est le cas aussi chez Le Carré, beaucoup plus que chez Ian Fleming, où bon, c'est quand même un personnage qu'on ne croise pas tous les jours, James Bond. ou alors on est très chanceux peut-être, voilà. Je ne sais pas comment l'interpréter. Oui, oui, absolument, c'est vrai, même quand on regarde en fait les trames narratives de la fiction Le Carré et du roman policier, dit aussi roman de détection, si on pense à Conan Doyle ou même Agatha Christie, en fait, on a quelque chose qui, on retrouve en tout cas dans ces romans, non pas de l'action à outrance, des lieux exotiques, etc., mais toute l'intrigue, toute la trame narrative est fondée sur les dialogues, les échanges entre les personnages, etc., etc. Et on va retrouver exactement cet aspect-là donc dans les romans, dans la fiction de Le Carré, qui, selon moi en tout cas d'un point de vue narratif, oui, va se rapprocher du roman de détection, du roman policier de ce point de vue-là en tout cas. Il est un peu à la croisée peut-être de ces deux genres, policier et espionnage. Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence finalement ? Alors, ce qui ferait, en fait, c'est une question assez complexe dès lors qu'on commence à creuser un petit peu la question du genre, parce que c'est un peu une boîte de Pandore, en fait. On commence à étudier ce que les anglo-saxons vont appeler la fiction criminelle. Et là-dedans, il y a plein de choses qui le rangent, mm-hmm. si on peut s'exprimer comme ça. Le roman de détection, les romans, les polars américains également, qu'on va ranger dans cette catégorie-là. Les policiers, plutôt policiers, vraiment avec les équipes de police, etc. Et le roman d'espionnage. Et en fait, effectivement, si on pense même à un personnage de fiction policier ou policière très connu, Holmes par exemple, et ben Sherlock Holmes, il a dans quatre de ses nouvelles, il a touché en tout cas du doigt des affaires d'espionnage. Donc on pourrait se demander, est-ce que ça devient un roman ou une nouvelle d'espionnage en fait. Et il faut bien effectivement faire la différence entre le thème de l'espionnage et la trame narrative ou les ressorts narratifs en fait du roman d'espionnage, pour entrer dans les détails. Et c'est quoi les ressorts narratifs du roman d'espionnage ? C'est le suspense évidemment, et quoi d'autre ? Voilà. Alors, ça va être au niveau de la thématique, bien sûr, la présence d'espions, par exemple, mais ça va être aussi le cadre international, l'intrigue géopolitique, et le conflit, en fait, entre deux États, par exemple, ou deux entités, etc. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est la présence de la paranoïa. Ça, c'est très important. Donc, le lecteur est paranoïaque, ça veut dire aussi qu'il va avoir un œil critique sur tout ce qu'il va lire, il va se méfier de chaque information que le narrateur va lui donner, par exemple. C'est aussi quelque chose qui va apprendre à développer probablement au fil des romans. Chez Le Carré, c'est d'autant plus vrai d'ailleurs. On y reviendra peut-être. Et donc cette paranoïa et ce thème donc de l'espion, de l'intrigue en fait finalement internationale. Dans le roman policier, en revanche, l'intrigue elle est beaucoup plus fermée, si je puis dire. En tout cas, les limites sont posées beaucoup plus clairement et de façon beaucoup plus serrée, puisque l'intrigue d'un roman policier, c'est de trouver le criminel, le meurtrier, etc. Et tout se fait dans un laps de temps très court. Et souvent dans un lieu aussi, alors soit clos ou en tout cas limité dans l'espace. Ce qui fait qu'on va aussi pouvoir limiter, ou en tout cas la raison, on va pouvoir expliquer l'irrationnel par le rationnel dans le roman de détection. Ça déborde un peu plus du cadre dans le roman d'espionnage. Alors on n'a pas encore entendu la prose de John le Carré. Je vous propose d'écouter un extrait de L'espion qui venait du froid, et puis vous allez nous dire ensuite, Dorothée Huchet, ce que vous en avez pensé. De part et d'autre courait le mur, affreux magma de parpaings sales et de barbelés, qui sous l'effet d'une pitoyable lumière jaunâtre faisait décor de camp de concentration. De chaque côté du mur s'étendait le Berlin non reconstruit, monde de ruines en deux dimensions, vestige désolé de la guerre. « Un homme, Herr Thomas !» murmura le jeune policier, « un homme à vélo !» Alec Limas prit les jumelles. « Karl !» Pas d'erreur possible, même à pareille distance. C'était bien sa silhouette, couverte d'un vieil imperméable de la Wehrmacht, poussant une bicyclette. Il a réussi, se dit-il, c'est sûr maintenant. Il a passé la vérification d'identité. Plus que les devises et la douane. Il le regarda adosser son vélo à la barrière et se diriger d'une allure désinvolte vers le poste de douane. « N'en remets pas trop !» souffla Limas, angoissé. Karl sortit enfin, salua gaiement le garde-barrière, et le poteau strié de rouge et blanc s'éleva lentement dans les airs. Il était passé, il venait vers eux, il avait réussi. Plus que le Vaupeau au milieu de la route, la ligne à traverser et il serait à l'abri. À cet instant précis, il lui sembla que Karl percevait un bruit suspect et pressentait un danger. Jetant derrière lui un regard inquiet, il se courba sur le guidon et se mit à pédaler furieusement. Il ne restait plus maintenant sur le pont que la sentinelle solitaire. Elle se retourna vers Karl et le regarda venir. Et tout à coup, inopinément, Les projecteurs s'allumèrent et leurs faisceaux d'un blanc incandescent le prirent au piège, tel un lapin fasciné par des phares d'auto. Une sirène déclencha son hurlement de scie mécanique et un tumulte de commandements affolés retentit. Devant l'IMAS, les deux policiers tombèrent à genoux, collèrent l'œil aux meurtrières aménagées entre les sacs de sable et armèrent vivement le levier de tir en rafale de leurs fusils automatiques. La sentinelle est-allemande ouvrit le feu, soucieuse de ne pas tirer hors de son secteur. Le premier coup sembla projeter Karl vers l'avant et le second l'arrêter dans sa course. Pourtant, il continuait à pédaler et dépassait la sentinelle qui continuait à tirer sur lui. Et brusquement, il s'affaissa et roula par terre, et l'IMAS perçut distinctement le fracas métallique de la bicyclette heurtant le sol. Il pria le ciel que Karl fût bien mort. Extrait donc de L'espion qui venait du froid, lu par François Forestier. Alors, Dorothée Huchet, à quoi l'écoute de cette scène vous a-t-elle fait penser ? Alors, première chose, c'est donc le l'incipit en fait du roman, c'est le tout début, l'ouverture en fait du roman, et c'est une lecture, un passage caractéristique de Le Carré. Déjà en la façon dont il décrit le mur de Berlin, ça c'est quelque chose qui est très important, y compris dans les écrits qu'il laissera qu'il adosse d'ailleurs au roman dans une des éditions, expliquant pourquoi ce qui l'a mené à écrire en fait ce roman-là. Il parle du mur de Berlin comme étant le symbole parfait, selon lui, de l'idéologie devenue folle. L'idée que donc ce mur nécessitait d'un mur en fait pour séparer deux camps. Donc pour lui c'était complètement irréaliste. Et quand il dit l'idéologie, qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Est-ce qu'il avait un rapport à l'idéologie ou ce qu'on appelle l'idéologie qui était particulier, qui était clair ou pas ? Alors en fait, ici, dans le roman, en tout cas, si on met ça au regard de l'intrigue, l'idéologie ici, c'est le camp de l'Ouest d'un côté, le camp de l'Est de l'autre côté, les moyens en fait utilisés pour mener pour mener à bien leur mission. Et le message, en quelque sorte, du roman, c'est de dire finalement, Est ou Ouest, ils sont exactement pareils. Les moyens utilisés sont les mêmes, à tel point d'ailleurs qu'au moment où le roman a été publié, on a accusé Le Carré de soutenir le communisme. Et ce qu'il a bien sûr rejeté fortement en disant non, le message, vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas ça. Le message, c'est de dire qu'on est finalement exactement les mêmes dans les méthodes qu'on utilise et que l'humain va passer au-delà ou plutôt ne va pas passer en premier par rapport à la cause qu'on défend. Donc c'est un écrivain qu'on qualifierait d'humaniste ? Alors certains critiques le décrivent comme humaniste. On peut réfléchir effectivement à certains de ces personnages qui sont cyniques, qui sont nihilistes parfois, mais jamais entièrement. C'est-à-dire qu'il reste toujours quelque chose et il y a cet humanisme, effectivement, si on pense en tout cas à George Smiley, par exemple, c'est ce qui sauve finalement le personnage et le rend attachant et ce qui l'a fait aussi réapparaître dans plusieurs romans, dans nombreux romans, en fait, de Le Carré. C'est cette idée que oui, on peut être humain malgré l'appartenance au service secret. Alors tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de paranoïaque et j'avais envie de vous demander, est-ce que si on se met du côté du lecteur, il faut être un petit peu paranoïaque pour apprécier vraiment la lecture de John le Carré ? Alors peut-être, je pense que ça fait partie du plaisir de la lecture, en fait, de tout roman d'espionnage, en tout cas écrit avec un petit peu de complexité et puis d'intrigue un petit peu, je suppose, complexe. Peut-être un peu moins chez James Bond ou chez Ian Fleming. Mais oui, chez Le Carré, il y a cet œil du lecteur paranoïaque, je pense, qui est important, parce que Le Carré nous amène à être paranoïaque. Si justement on revient sur l'espion qui venait du froid, il a aussi marqué les esprits, ce roman, parce qu'il a marqué un tournant dans le genre, dans le sens où, pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, la première fois, le personnage, qui était lui-même qui est agent secret, donc Lemus, pour la première fois, il est lui-même manipulé et c'est un peu le héros tragique, en fait, du roman. Il est sacrifié, en quelque sorte. Donc la manipulation vient de partout, c'est ça ? Voilà, la manipulation, vient de partout dans l'histoire, donc elle est, dans l'intrigue. Elle est à l'extérieur de l'intrigue et elle est dans l'écriture elle-même, en fait, où on va essayer de tromper le lecteur par plusieurs ressorts narratifs. L'un de ceux-ci utilisé par Le Carré, c'est par exemple les jeux de la focalisation, de point de vue. Donc dans L'espion qui venait du froid, par exemple, c'est un lecteur omniscient, donc qui normalement apporte toutes les informations et les commentaires sur les personnages, c'est plus que les personnages. En l'occurrence, le narrateur omniscient de L'espion qui venait du froid est trompeur lui-même, et c'est là où on apprend à justement lire entre les lignes finalement. Il est trompeur lui-même puisqu'il nous livre le point de vue, nous lecteurs, il ne nous livre le point de vue que de Lemes ou quasiment exclusivement de Lemes dans tout le roman. Ce qui fait qu'on ne connaît pas le point de vue des dirigeants qui, eux, savent très bien ce qui se trame, en fait. Ils savent très bien que, oui, il est mis en danger et qu'on ne l'a pas mis au courant pour mieux renverser la situation à la fin de l'intrigue, en fait, sans trop dévoiler les pour ceux qui n'auraient pas lu. Alors, ce qui peut rendre paranoïaque aussi, c'est que parfois, le lecteur en sait davantage que les personnages. Parfois, les personnages en savent davantage que le lecteur. Donc, on est sans cesse perdu. Et ça, c'est un peu un ressort, finalement, de toute littérature d'espionnage ou surtout de Le Carré, d'ailleurs. Alors, c'est de toute, oui, de toute, tout roman, on pourrait dire. C'est une technique qui peut être utilisée. Chez Le Carré, ce qui est spécifique, c'est qu'on a, alors ça dépend des romans. Ce ne sont pas toujours les mêmes techniques qui sont utilisées. Mais on peut, par exemple, dans Un homme très recherché, c'est constamment un changement de point de vue entre les décideurs, les agents secrets, les personnages, disons, n'appartenant pas au service secret. Et on voit comment l'intrigue se développe, mais de différents niveaux. Ce qui est une bonne manière aussi de voir comment la manipulation se crée, en fait. Donc ça, c'est un des ressorts. En revanche, dans L'espion qui venait du froid, on va savoir effectivement autant que le personnage à certains moments. À certains moments, on en sait moins que lui. Et c'est ce qui va permettre le retournement final. Mais c'est la façon de jauger finalement et d'avoir cet équilibre, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans le roman policier, par exemple, où l'auteur donc va devoir donner suffisamment d'indices pour faire croire au lecteur qu'il va pouvoir trouver le criminel avant le détective, mais pas trop, pour qu'il y ait un suspense quand même qui soit haletant jusqu'au bout, en fait. Vous écoutez La Compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de John Le Carré en duplex avec vous de Rennes, Dorothée Huchet. On parlait à l'instant de ce thème de la paranoïa. Je crois qu'on peut même gravir encore une marche et passer de la paranoïa à la conspiration. En ce moment, la conspiration est partout. Sur Internet, on ne parle que de ça. En tous les cas, on en parle beaucoup. Mais John Le Carré, lui, il a eu cette intuition finalement depuis bien longtemps. Quelle histoire on peut faire du rapport de Le Carré avec ce thème de la conspiration qui est partout présent dans ses romans? Oui, alors c'est vrai que ça résonne particulièrement avec le temps, la société actuelle, on pourrait dire, en France et ailleurs. La conspiration, donc c'est oui un élément constitutif du roman d'espionnage. Le Carré en fait vraiment un élément central. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne toujours le point de vue des dirigeants, on va les appeler comme ça, de l'élite, exactement. C'est ça, ce qu'on appelle establishment. Je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu un parcours, donc qui sont allés à Cambridge, etc. et qui aujourd'hui détiennent le pouvoir, sont les décideurs en fait du pays, y compris d'ailleurs les grands patrons d'entreprises, de multinationales, etc. Et donc le complot se noue et se crée à ce niveau-là. Et il nous a toujours dévoilé les coulisses du pouvoir, en quelque sorte. C'est comme ça aussi que fonctionnent ces intrigues et ces trames narratives. Mais les coulisses du pouvoir, dans quelle mesure? Parce que c'est toujours une question qui se pose avec Le Carré. Ce sont les vrais. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'il dit est réellement informé? Parce que c'est ça aussi qui se pose comme question à la lecture. Ou, Oui, bien sûr. En tout cas, alors que ce soit vrai ou pas, lui, il dit toujours, ce n'est pas la plausibilité qui compte, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, ne me demandez pas si c'est vrai ou pas. D'abord, je vous le dirai pas, et puis ensuite, ce n'est pas ce qui est important, selon lui. Mm-hmm. C'est plutôt justement que le lecteur y croit. Si le lecteur y croit, le pari est gagné en quelque sorte. C'est un peu ça. Et donc, par rapport à cette manipulation, on parlait des points de vue tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un roman, par exemple, comme Un homme très recherché, on va voir comment les dirigeants, donc l'élite dirigeante, appelons-la comme ça, va recueillir les informations de la base, des différents agents secrets, et la détourner, la manipuler pour en faire autre chose, pour faire ce qu'ils veulent que cette information devienne, en quelque sorte. Même dans, si je prends le dernier roman, donc L'héritage des espions, par exemple, il y a une ligne qui me revient, qui est donnez-nous la vérité, nous saurons la manipuler. Mmh. C'est exactement ça, en fait. C'est donnez-nous les informations et on en fera exactement ce que l'on veut. Un autre exemple de roman très probant à ce niveau-là, c'est Le Tailleur de Panama. Tailleur de Panama, où le héros, donc Pendel, qui est Harry, son prénom, qui est recruté par les services secrets pour fournir des informations. Lui-même n'est pas espion, il est tailleur, donc, et toute sa vie repose sur un mensonge, il invente en quelque sorte toute sa vie, pour faire simple, et toutes les informations qu'il livre aux services secrets sont également des inventions, pures et simples, mais les services secrets font mine, on va dire, d'y croire, et ça débouche sur une intervention au Panama, militaire, etc. Donc, cette intervention n'est pas fondée sur des faits avérés, réels. Un petit peu comme en 2003, l'intervention américaine en Irak, contre laquelle John Le Carré s'était soulevé. Tout à fait, il avait écrit un papier sur ce sujet-là. Et c'est exactement ça, il va reprendre cette idée-là dans plusieurs romans, de nouveau pour dénoncer en fait. C'est vraiment une dénonciation et que ce soit réel ou pas n'a pas tellement d'importance, mais c'est montré que finalement, c'est sa vision de comment fonctionne l'élite. Et comment les décisions sont prises, finalement. Mais alors, du coup, ça revient tout de même à justifier, alors parfois c'est vrai, parfois ça ne l'est pas, l'idée que le complot est généralisé dans les sphères hautes de la société, hautes entre guillemets. C'est vrai. C'est aussi propre au roman d'espionnage, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il disait dans un entretien qu'il avait choisi l'espionnage parce qu'il trouvait que c'était un très bon reflet de la société. Parce que aussi, c'est chaque espion ou chaque individu peut être potentiellement un espion qui va trahir par amour, par fierté, etc. Donc c'est ça, les raisons pour être espion ne sont pas toujours celles qu'on croit d'ailleurs. Voilà, c'est ça exactement, et sont finalement propres à chacun, et chacun peut devenir potentiellement un traître en fait. C'est cette idée-là, dans sa vie personnelle, ou qu'on soit espion ou autre en fait, c'est ça. Et donc la conspiration, oui, est partout. Il dit dans une autre interview que le roman d'espionnage plaît aux gens précisément parce qu'ils aiment voir leur vie en termes de conspiration et de complot. Parce que ça les rassure, c'est ça qu'il dit. Oui, alors il y a peut-être aussi le côté un petit peu cathartique finalement de cet aspect, de cette de cet élément-là, c'est-à-dire qu'on aime croire au pire des choses et on aime lire un roman d'espionnage avec toute la paranoïa qu'il contient pour finalement un petit peu se purger toutes ses peurs, si on prend le sens de la cathartique au sens premier. Donc on se purge de toutes ces peurs et on se sent mieux dans sa vie, un petit peu de ça aussi peut-être. Et donc, alors ce n'est pas, Le Carré n'écrit pas en soi, je ne dirais pas en tout cas qu'il écrit des romans de complot. Les romans de complot, c'est un style, c'est un genre, un sous-genre en tout cas assez spécifique, qui consiste plutôt à réécrire en fait l'histoire. C'est-à-dire on reprend des éléments de l'histoire, par exemple dans un roman, on imagine un agent allemand qui va tout faire pour mettre à mal le débarquement allié, par exemple. Mmh. Donc une sorte de roman révisionniste alors. Voilà, exactement. On a aussi c'est aussi lié pour certains des romans, c'est ça. Ou alors on imagine une réalité un petit peu parallèle en fait, ou que se serait-il passé si en fait. C'est une aussi possibilité. Donc c'est plutôt revenir à rebours en fait sur des événements qui ont eu lieu. Le Carré, c'est plutôt, il me semble en tout cas, c'est plutôt la façon, il développe en fait au fil des pages la façon dont justement les conspirations sont formées, mais en amont, avant que finalement l'événement n'arrive aux oreilles du public. Mm-hmm. C'est plutôt ça, de la même façon que vous disiez en Irak 2003. Oui. Et les médias alors, quel est le regard du narrateur en général de Le Carré sur les médias? Parce que c'est toujours au cœur de la conspiration, les médias évidemment. Bien sûr, c'est ce qui va faire parvenir au public l'information, évidemment. Et donc, ça, on retrouve la présence des médias de façon, dans certains romans, je pense de nouveau au Tailleur de Panama, 96, mais dans les romans suivants également, où les médias, en fait, sont vraiment vus, ou en tout cas décrits comme étant à la botte du pouvoir. Donc, ça n'arrange pas les choses du point de vue de la manipulation et de la conspiration. Les médias sont décrits souvent, alors je pense notamment à une scène dans Une amitié absolue, où les deux héros ont été tués, sont dans un bain de sang. La scène donc est absolument abominable. Plusieurs indices ont été placés donc par les services secrets pour faire croire que c'était des terroristes, etc. Et on livre la scène en quelque sorte en pâture aux journalistes qui, nous dit-on, c'est dans la description, se délectent des photos qui peuvent être prises et sans remettre en question une seule seconde des éléments qui sont sous leurs yeux. C'est cette idée aussi que l'information devient un peu finalement divertissement en fait. Hein, et ils sont là pour faire vendre plus que pour proposer une analyse ou une remise en question de l'information quelle qu'elle soit. Et on glisse vers la question de la société du spectacle dont on parlera en seconde partie de cette émission. Toujours avec vous, Dorothée Huchet, juste après les conseils littéraires de Georges Marc Habib. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Georges Marc Habib de la librairie de l'Atelier, rue du Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. John Le Carré, c'est un de vos auteurs de chevet. Pas vraiment, on va dire. Moi, je suis pas très anglais, en fait, dans le roman d'espionnage. Moi, je me réfère plutôt à Jean Echenoz, par exemple, avec son dernier roman. C'est un roman d'espionnage très spécial. Très spécial, mais ça en reste un. Et puis, en écoutant La Dame, je me suis remémoré Robert Little, par exemple, La Compagnie, qui est un roman magnifique sur justement toute l'histoire de la CIA. Vous voyez, ce genre de choses. On va dire presque plus fourmillante, quoi. Voilà. Alors, vous venez nous parler ici donc des livres que vous avez lus, que vous avez aimés. Aujourd'hui, vous voulez commencer en évoquant le livre de Bruce Bégou, Le Sauvetage, publié chez Fayard. Qu'en avez-vous pensé, Georges Marc? Plein de bonnes choses, c'est bien pour ça que je vous en parle. Bruce Bégou est romancier, mais aussi philosophe, spécialiste de la phénoménologie de Husserl. Et donc, il nous parle dans ce livre-là, justement, d'un petit jeune franciscain, Léo Van Breda, qui va... pour ses études de philosophie, en Allemagne en 1938, essayer d'étudier des documents justement inédits de Husserl. Husserl est mort il y a quelques mois, il va donc se rendre chez la veuve de Husserl, et là, il découvre non pas quelques documents, mais 40 000 feuillets sténographiés, donc d'une écriture de sténographie pour aller plus vite, pour écrire plus vite, parce que Husserl s'était rendu compte que pour aller aussi vite que sa pensée, la sténographie était un bon moyen. Mais 40 000 feuillets, c'était 17 énormes malles à transporter. Et finalement, il s'est dit que de ce projet d'étude, il allait en faire plutôt un projet de sauvetage, d'où le titre, et essayer de sortir de cette Allemagne nazie ces documents inédits de ce philosophe juif allemand qui venait de décéder. Voilà. Donc évidemment, c'est pas une chose simple, surtout qu'on a sur le dos, là aussi on revient sur le roman d'espionnage, un agent de la SA qui a même d'aller poursuivre tous ces représentants catholiques qui empoisonnent la vie de cette Allemagne pure et dure. Et puis vous avez eu envie, comme beaucoup de gens, de lire le prix Goncourt de cette année, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Là aussi, Georges Marc, qu'en avez-vous pensé? Pour les fins d'année, on peut jamais passer à côté de ces prix-là. C'est quand même des grosses ventes de la librairie. Donc, j'avais envie de vous en parler. Moi, j'ai adoré ce roman de Nicolas Mathieu. C'est son deuxième. Il nous met en scène un jeune homme, Anthony, qu'on va suivre pendant 4 étés, en 92, en 94, en 96, en 98, de ses 14 ans à ses 20 ans, avec des sauts comme ça de plus de 2 ans. Ce qui est assez étonnant dans ce roman, c'est qu'on est donc dans le nord, dans le pays des hauts fourneaux, qui sont éteints depuis bien longtemps, on va dire dans une ambiance très étonnante, puisque c'est à chaque fois l'été, donc ce sont des moments où on peut franchement s'ennuyer, notamment quand on est ado, donc c'est le moment des vraies conneries, et donc on est vraiment dans ces moments un peu éphémères de l'adolescence où tout la liberté semble là, et finalement elle n'est pas si là que ça, voilà. Et donc il arrive comme ça, en mettant en scène Anthony avec son cousin, les filles qu'ils vont rencontrer, les fêtes, les non-fêtes, les dragues, les échecs, les réussites, tout ça, à nous porter dans cette France des années 90 qui est finalement pas si éloignée de celle des années 2020. Et alors ça, c'est le Goncourt. Vous avez lu aussi le Goncourt des lycéens ? Alors, qui est dans un genre très très différent. C'est le livre de David Diop, Frère d'âme, édité au Seuil. Frère d'âme, on se retrouve donc en 14-18, hein, c'est la Grande Guerre. Il nous met en scène Alpha Ndiaye qui va avec son ami, je vais retrouver son prénom, Madamba, suivre, donc aller combattre sous les drapeaux français en France, donc partir du Sénégal pour aller faire cette bagarre là. Malheureusement, son ami va se faire blesser mortellement pendant un assaut. Alpha va le soutenir durant sa longue agonie, sans jamais oser aller achever cet ami, ce frère qu'il s'était choisi. Et il va s'en vouloir à mort. Et de là, il devient le Alpha, on va dire, généreux, formidable, flamboyant. Il va devenir une espèce de bête. Et voilà, c'est ça que va nous raconter David Diop dans ce roman, qui est un magnifique hommage à ces gens qu'on a trop souvent oubliés. Merci beaucoup, Georges Marc, pour ces trois conseils. Si on veut venir en parler directement avec vous à la librairie, on peut le faire, j'imagine. Tous les jours, voilà. De 10h à 20h, alors là, jusqu'à Noël, tous les jours. Et sinon, du lundi au dimanche matin. Rue du Jourdain, dans le 20e, à Paris. À très bientôt. Merci. Et c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième temps de notre série consacrée aux espions. Nous parlons de la littérature de John le Carré avec Dorothée Huchet, enseignante en littérature anglaise à l'Université de Rennes, d'où elle est en duplex avec nous. Our work, as I understand it, is based on a single assumption that the West is never going to be the aggressor. Notre métier tel que je le conçois, notre éthique est basée sur la seule présomption que jamais l'Ouest ne sera l'agresseur. Alors, nous faisons des choses déplaisantes, mais toujours défensives. Notre politique est pacifique, mais nos méthodes ne doivent pas être moins brutales que celles de l'adversaire. N'est-ce pas? J'estime que nos méthodes, depuis la guerre, notre technique et celle des communistes sont devenues à peu près identiques. Oui. Je veux dire qu'à l'occasion, il faut faire d'affreuses choses. De bien affreuses choses, en vérité. Mais vous ne pouvez pas être moins cynique que vos ennemis uniquement parce que votre gouvernement mène une politique tolérante. Alors, on a beaucoup dit que le Carré était un écrivain de la guerre froide, même s'il a continué à écrire, et comment après la chute du mur, mais ça pose tout de même une question, Dorothée Huchet, de la place de l'histoire. On a commencé un petit peu à en parler avec vous chez John le Carré. La guerre froide, c'est quand même le monde moderne, et toute votre thèse à vous, c'est de dire que au fond, John le Carré, il est davantage post-moderne que moderne. Il était peut-être déjà même post-moderne du temps de la modernité. Est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu ce terme de post-modernité dans l'optique qui a été la vôtre pour étudier John le Carré, Dorothée Huchet? Bien sûr, il faut qu'on commence, oui, par une définition probablement. Alors, je parle bien de postmodernité et non pas de postmodernisme en tant que mouvement culturel. C'est bien postmodernité en tant que description de l'époque, hein, de deuxième moitié en fait du XXe siècle. La postmodernité, si on creuse la question, on s'aperçoit qu'en fait, elle démarre avec une crise de confiance, crise ontologique, crise de la civilisation, une crise en fait dans son ensemble, une crise qui va aussi donc se projeter, ou en tout cas être une crise épistémologique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si on lit par exemple Jean-François Lyotard en 79 dans plusieurs de ses ouvrages, on s'aperçoit, ou plutôt on lit, que le postmoderne, c'est l'incrédulité par rapport au ce qu'il appelle les méta-récits. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en ce en quoi d'habitude on croyait. C'est ça. Donc tous ces textes sont fondateurs, en fait, qui sont censés expliquer, apporter une justification à tout ce en quoi l'on croit, toutes nos pratiques morales. Donc ça peut être le marxisme sociale. D'un côté, ça peut être la religion, ça peut être... Exactement, c'est ça. Donc religion, ça peut être tout ce qui est, même le patriotisme, si on pense au roman d'espionnage, par exemple. C'est aussi à cette époque, dans les années 60, que Bell va écrire, par exemple, un ouvrage en disant que c'est la fin de l'idéologie. Donc c'est exactement dans cette mouvance-là, où donc tout ce en quoi on croyait n'existe plus, ou en tout cas est remis en question. Et donc on ne peut plus avoir une vérité universelle, par exemple, on va avoir une fragmentation du concept de vérité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver plusieurs vérités. Ça va se fragmenter, en fait, exactement, ça va devenir parcellaire. Impossible d'avoir une unité, en fait, et un discours vérités. Même commun... Plusieurs vérités, justement, un petit peu comme dans un roman de Le Carré, où on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est cela ? Mais c'est cela, et en fait, c'est précisément l'objet de mon travail, en fait, de dire que Le Carré, son travail, sa fiction, son texte, va permettre de thématiser toutes ces problématiques postmodernes, où la vérité n'est plus une et n'est plus unique, où d'ailleurs on ne peut pas atteindre la vérité, bien souvent. Un exemple assez frappant, c'est quand la taupe, en fait, s'en dévoilait. Désolé pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Les auditeurs se bouchent les oreilles, ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, c'est le moment. Donc Bill Hayden, ça y est, je l'ai dit. Bill Hayden, donc qui est la taupe à démasquer, qui est sa tromperie, sa traîtrise et même double, puisqu'en plus il est l'amant de Smiley lui-même, de la femme pardon de Smiley lui-même. Donc il est un traître à plusieurs niveaux, et le texte le décrit comme une poupée gigogne, en fait, où il a plusieurs strates, on pourrait dire plusieurs couches de vérité en lui, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, je suppose, et que chaque personne avait connaissance d'une des poupées gigognes, mais en creusant, on en découvrait une plus petite, puis une plus petite, jusqu'à atteindre celle qui est toute petite à l'intérieur donc de toutes les autres. Mais celle-ci, personne n'est jamais parvenu à l'atteindre, en fait. Mmh. Et c'est exactement, il me semble que cette image-là reflète bien l'idée de la vérité comme étant alors déjà inatteignable et parcellaire ou en morceaux, en fait. Et on a vraiment ça chez Le Carré, à travers donc des exemples comme ça, mais aussi à travers l'écriture elle-même, en fait, et son style. C'est-à-dire que l'information ne va jamais être donnée de façon directe. Il va y avoir toujours une façon indirecte de présenter les choses. Je pense par exemple à L'espion qui venait du froid, de nouveau, la description de Lemus, où il est décrit à travers le point de vue d'une hôtesse de l'air, et l'hôtesse de l'air... Donc on partage son point de vue, on a accès à son point de vue en tant que lecteur, et elle dit elle imaginait qu'il avait à peu près 50 ans, ce qui n'était pas faux. Voilà ce que nous dit le texte. Est-ce qu'on sait quel âge il a ? Non, on ne saura jamais quel âge il a. Et tout n'est que comme ça. On nous donne des spéculations, des rumeurs, en nous disant personne n'a jamais su si c'était vrai ou non. Donc le texte ne clôt pas, en fait, ne donne pas de conclusion, oui, c'est ça, définitive. De la même façon que certaines fins dans certains romans vont être aussi ouvertes. C'est-à-dire, c'est un peu au lecteur d'imaginer ce qu'il souhaite pour la suite. Et c'est aussi ça, cette façon, il me semble en tout cas, de thématiser, oui, un des aspects de la postmodernité, donc, à travers la vérité. Cette idée, justement, que la vérité, elle n'existe pas, elle est tout à fait actuelle, pour ne pas dire moderne, du coup, pour éviter le mot de moderne, elle sans est doute, totalement oui. actuelle. Et comme John le Carré continue d'écrire, est-ce que tout cela rentre dans ses romans, Internet évidemment, mais aussi les théories du complot les plus récentes, les fake news, finalement il y a comme une espèce d'acmé qui correspond tout à fait à son travail d'écrivain. Mais oui, là, ça résonne complètement. On a presque une mise en abîme dans certains de ses romans. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est pas vraiment son truc, pour dire les choses simplement. La technologie, c'est un des aspects, d'ailleurs, de la modernité et de la postmodernité qu'il n'aura pas du tout gardé dans ses romans. Il est Smiley, par exemple, bon, qui était dans les années plutôt 70, mais n'a jamais été accro à la technologie. Et on garde toujours, c'est la vision qu'il donne des services secrets, c'est le facteur humain qui est le plus sur lequel tout repose, en fait. Donc la technologie, c'est pas vraiment ça, c'est pas dans cette vision-là qu'on va pouvoir voir la manipulation de la vérité. Comme Graham Greene, qui a intitulé l'un de ses livres Le Facteur Humain. Exactement, j'allais faire le parallèle, exactement, le facteur humain. Et ils se rejoignent hein, sur plusieurs problématiques d'ailleurs. Mais donc oui, c'est le facteur humain et c'est plus finalement la réflexion, elle est effectivement autour de la vérité, de l'information, ce qu'on disait tout à l'heure, les fake news, etc. Mais c'est finalement la vérité de l'humain qui est sans doute plus au centre des romans. C'est la façon dont l'humain va gérer justement la fin et contre les moyens. Faut-il, la fin justifie-t-elle les moyens, par exemple ? Peut-on réconcilier sa conscience avec des choses abominables, si on reprend l'exemple, que l'extrait qui a été passé tout à l'heure. Et donc, disons que c'est sans doute moins en regard avec cette partie, oui, diffusion sur Internet, d'informations, et puis sur lesquelles on perd l'emprise, en fait. Mais est-ce qu'il peut y avoir tout de même une vision unique ou unifiée un petit peu de l'histoire, l'histoire comme un récit qui pourrait être appropriable par une très vaste majorité de personnes, ou est-ce qu'il y a du coup l'idée d'une atomisation totale de la société où chacun a sa propre idée de l'histoire ? Alors c'est vrai que la postmodernité renverrait vers plutôt cela, c'est-à-dire la fragmentation, chacun voit, chacun sa propre morale, chacun sa propre vision de l'histoire, chacun sa propre vérité. On a en partie cela, c'est vrai sur la question de la vérité, probablement vérité donc en chacun. Sur la partie historique, je reviens vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, avec on a plutôt cette vision de l'histoire comme écrite par les dirigeants et les élites de nouveau. Oui, c'est ça. Plutôt, cette vérité, finalement, la vérité ontologique qui est en chacun serait, oui, avec le côté humaniste probablement aussi qui avait été évoqué aussi. Donc ça renvoie à une forme d'individualisme, parce que si la société est atomisée, que finalement on ne peut croire que en soi-même et éventuellement en certaines personnes qu'on connaît très très bien, ça n'aide pas à créer des liens. Quelle est la vision de John le Carré selon vous dans ses romans sur ce thème-là ? Alors justement, ça m'évoque en fait cette idée qui va rejoindre aussi certains sociologues qui ont écrit sur la postmodernité, l'idée de tribu en fait. Donc l'homme, il y a une, c'est un air, une période, c'est ça exactement, l'ère du vide en fait, oui c'est ça. Donc qui explique finalement c'est une individualité, mais il peut y avoir aussi création de nouvelles tribus. Et quand on réfléchit à la façon dont les services secrets, malgré tout leur travers, dans la fiction de Le Carré, ils restent quand même décrits comme une famille, d'ailleurs, comme une famille, je dis bien, plus qu'une tribu, comme une famille. On a, si on peut penser, par exemple, aux différents termes que Le Carré utilise pour désigner chacun des agents ou chaque poste, chaque fonction à l'intérieur des services secrets. Et celle qui s'occupe un petit peu tout le monde s'appelle les mamans. Donc en soi, c'est assez intéressant. Et on a ce sentiment vraiment qui est construit hein, de tribu où chacun appartient au service secret et c'est important. Donc on recrée en fait quand même des espaces ou des groupes dans lesquels il y a un sentiment d'appartenance assez fort. Et oui, c'est vrai que les espions ne sont pas des anges, mais ils sont des êtres humains comme les autres. They were bloody clever. All the way down the line, they were bloody clever. Clever, they were foul. How can you turn the world upside down? Ils ont bien manœuvré. What rules are you playing? Du début jusqu'à la fin, ils ont bien manœuvré. Oh, c'est répugnant cette façon de voir. De quel droit oses-tu mettre le monde à l'envers? Alors explique-moi les règles de ton jeu. Une seule prime tout. L'opportunité. Ce que Mound offrait, Londres en avait besoin. Donc Fiddler serait tué et Mound resterait en vie. Ce fut une opération abjecte et répugnante, mais payante. Pourquoi? Tu prends les espions pour des saints. Pour des philosophes mesurant le pour et le contre selon l'évangile de Dieu ou de Karl Marx. Erreur. Ce n'est qu'une bande d'imbéciles, de minables salauds comme moi. Des pauvres types, des ivrognes, des pédés, des cocus, des fonctionnaires qui jouent sottement aux cow-boys et aux indiens pour égayer leur petite existence vide. Crois-tu que ce soit des moines dans leurs cellules pesant le bien et le mal? Hier, j'aurais volontiers tué Mound, parce que je le tenais pour un monstre et un ennemi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monstre et cependant mon ami. Londres a besoin de lui. Pour permettre à la grande masse d'imbéciles que tu admires tant de dormir sur leurs deux oreilles, dans leurs puciers. On a besoin de lui pour la sécurité des minables comme toi et moi. Tu as tué Fiddler! Crois-moi, quand une cause est vraiment importante, on tue ses amis. Qu'est-ce qu'a fait ton parti? Sa route est parsemée de cadavres. Alors comment sont-ils, Dorothée Huchet, ces personnages d'espions? Là, on vient d'entendre un extrait du film « L'espion qui venait du froid » de Martin Ritt. Comment sont-ils? Alors, on a plusieurs profils, si on veut essayer, parce que l'œuvre de Le Carré est tellement vaste, finalement, qu'on ne peut pas avoir un seul et même type, hein, bien sûr. L'un des personnages, l'un des grands personnages de Le Carré, c'est bien sûr George Smiley, qui est réapparu d'ailleurs, alors peut-être certains auront dit, mais quel âge a le Smiley en 2010-2018 oui, évidemment. Bon, c'était un petit peu la surprise de voir réapparaître, peut-être centenaire, ne sait-on jamais. Donc Smiley, oui, alors il est important parce qu'il est un peu détective dans les premiers romans. Il est espion, agent secret dans les coulisses par la suite, dans L'Espion qui venait du froid par exemple, et il devient chef des services secrets lui-même. Donc on a une bonne vision d'ensemble. Et en fait, Smiley, alors une des citations qui me revient aussi en tête ici, c'est quelque chose comme il est rusé comme Satan, mais il a la conscience d'une vierge. Oui, c'est ça. Ils sont très ambivalents toujours ces personnages voilà, d'espions. Voilà, c'est l'ambivalence, exactement. C'est ça. Ils sont double ambivalents et un petit peu comme leur ennemi finalement. Et c'est ça en fait souvent qui ressort, c'est que les deux camps vont avoir un degré d'humanité parfois similaire. Hein, et c'est simplement peut-être les circonstances qui font que, etc. Mais finalement, ce sont tous quels qu'ils soient, d'un côté comme de l'autre, que ce soit pendant la guerre froide ou dans d'autres conflits d'ailleurs pour les romans les plus récents, eh bien on a toujours finalement ce côté quand même d'humanité qui ressort. Alors certains se perdent, si on peut dire, dans un cynisme absolu en acceptant finalement aussi les règles des services secrets, c'est-à-dire donc les choses abominables qu'ils auront à faire, eh bien ils s'y plient volontiers. Alors certains, on a accès parfois au point de vue aussi de ces personnages-là et on comprend qu'ils sont aussi eux-mêmes tiraillés en fait entre ce qu'ils sont en train de faire et le bien du pays ou en tout cas les ordres qu'ils reçoivent. Ils ont une certaine morale parfois. Voilà, c'est ça. C'est cette morale-là, en fait, qui va ressurgir. Et c'est ça, même si finalement, ce qu'ils font est assez terrible, eh bien, malgré tout, ils ont une morale, ils se posent des questions sur ce qu'ils doivent faire. Et Smiley est le grand exemple hein, de ça. Là aussi, dans un autre roman, on nous dit qu'il sait mettre sa conscience de côté quand les fins justifient vraiment les moyens. Ce qui est une autre forme de morale, quoi, d'une certaine voilà, façon. Voilà, exactement. Chaque personnage, finalement, va développer en quelque sorte une morale qui va lui être acceptable. Ça, c'est la morale postmoderne, chacun la sienne. Voilà, c'est ça, chacun la sienne, chacun y voit un petit peu ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est assez drôle si on pense là aussi au Tailleur de Panama, toujours le fameux personnage Harry, qui donc en gros a créé tout un réseau d'espions virtuels, factices, qui n'existent pas. Il est payé pour donner normalement l'argent donc, à ces espions factices. Et le texte nous dit qu'en fait, il s'accommodait très bien avec le fait de prendre tout l'argent, puisque de toute façon, ça ne faisait de mal à personne, puisque les personnes n'existaient pas, en l'occurrence. Donc cette idée, c'est ça qu'il a développé. Il se sent bien comme ça. Il a cette morale à lui et ça lui convient comme ça. Est-ce que les personnages aussi de Le Carré, ou est-ce que l'un des grands personnages de Le Carré, ce serait pas une entité qui serait la bureaucratie, la bureaucratisation, qui est toujours très présente quand même dans ces romans Dorothée Huchet? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on parlait d'élite dirigeante, et on a cette institution, je suppose, cette grande machine qui est la bureaucratie, qui est présente... pas forcément celle de l'élite, parce que la bureaucratie, c'est non, à tous les non, niveaux. Non, c'est vrai, c'est à tous les niveaux, et justement, je parlais tout à l'heure des points de vue avec le fait qu'on ait accès en tant que lecteur à différents niveaux, justement, les espions, etc. Et la bureaucratie est partout, effectivement. Et cette bureaucratie, oui, c'est ça, en fait, si on réfléchit à l'ensemble des romans de Le Carré, on a probablement, moi, je dirais bien, oui, que le thème principal, c'est l'individu face à la bureaucratie. C'est un petit peu ça, en fait. Et à cette machine, finalement, un peu impitoyable, qui manque d'humain, précisément. Un dernier personnage qui est aussi un peu une entité, c'est l'ennemi. Il y a évidemment toujours un ennemi, il y a toujours un espion ennemi, il y a toujours un pays ennemi. À quoi sert l'ennemi pour Le Carré? Alors, il sert évidemment à faire avancer l'intrigue, mais on a parfois l'impression que sur un plan supérieur, existentiel, l'ennemi, il vous sert aussi à vous en tant que personnage, et donc... par extension à vous en tant que lecteur et à vous en tant que citoyen tout simplement. C'est utile d'avoir des ennemis ? Alors c'est utile à tel point d'ailleurs que, alors il y a même deux remarques que je pourrais faire là-dessus. La première c'est que oui, l'ennemi est tellement indispensable que dans certains romans ils inventent un ennemi. Les services secrets inventent un ennemi parce qu'il n'y en a pas, mais il faut un ennemi pour pouvoir exister en quelque sorte et avoir une raison d'être. Hein. C'est dans Le Miroir aux espions par exemple, donc c'est un petit peu ça, ça. De nouveau, on revient à 2003, guerre en Irak, etc. Mais oui, c'est ça. Et donc, l'un des services d'une des branches des services secrets n'a plus vraiment de travail, n'a plus vraiment de lieu, de raison d'être même. Eh bien, ils vont sur une photographie voir absolument une trace d'armes qu'ils doivent détruire et donc d'armes de destruction massive. Non, mais vous voyez, le parallèle est assez frappant. Mmh. Et donc voilà, donc ils vont monter toute une opération autour de cela. Ils vont envoyer un espion mal préparé d'ailleurs. Et bien sûr, au final, à la fin du roman, on s'aperçoit qu'il n'y avait rien du tout et que l'espion était tellement mal préparé avec des objets, enfin un armement, etc., tellement archaïque que on l'a clairement envoyé à sa propre perte. Et votre deuxième idée très rapidement. Oui, et très rapidement, pardon. La deuxième chose, je voulais... alors, je ne sais plus, ça y est. Mais c'est pas grave, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Bon. Merci beaucoup, Dorothée Huchet. Puis, si votre idée vous revient, vous pouvez la poster sur la page Facebook de l'émission. Très bien, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Dorothée Huchet de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Vous êtes professeur, je le rappelle, agrégé d'anglais à l'Université Rennes. De votre thèse soutenue en 2010 était intitulée « La fiction de John le Carré à l'ère du soupçon, du roman policier au roman d'espionnage ». Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Bruno Gagnère-Fontani. Merci aux équipes de France Bleu à Rennes qui ont rendu ce duplex possible et on continue, nous, de parler demain des espions en littérature avec une émission consacrée cette fois-ci à l'anglais Graham Greene. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Semaine sous le signe des oiseaux qui disparaissent. Attention, attention, le rouge-gorge, selon Verhaeghen, gonfle sa belle poitrine rouge vif d'où sortent en guise de parole quelques slogans de lutte prolétarienne. Non à ceci, oui à cela, etc. Le rouge-gorge scande et n'évite pas les esclandres quand il vitupère vertement contre les oiseaux qu'il qualifie de bourgeois. L'oie et son foie gras, la dinde made in USA et le canard laquais des nouveaux capitalistes. Chez Jacques Demarc, les osios produisent un autre son. Le traqué moteux, par exemple. Huit, tchac, tchac, huit, huit, tchèque, oui, j'vac, voyage trip ou trek, ski tsech, croulit tchèque, ik j'assette au pied de l'abysse, inouï, tchit, tuit in tchèque, truit perk, tut, si j'sbec, trop quick, mec, eut voix limite acre, irrit louis, douillette, bat ciboulette, tit delbilouit, en patch, work trip hippie ou nip mac, chemise white trémuge, black suit classe, ilouk tip frac qui suit si trac, doum diminuitif depuis des siècles. C'est le traqué moteux, on le trouve dans la revue TXT numéro 32, Le Retour. Rien ne lia davantage ceux qui firent TXT que la haine de la poésie. La revue publia ses proses multipistes, des épopées malaxées, des babiles dramaturgiques, des scénettes comiques, des sketchs satiriques, des litanies idiotes, des chansons disloquées, tout plutôt que de la poésie lisse, empesée, impensée. À cela, le sui manga à longue queue répond « Ti-yip, ti-yip-tip, ti-yip, ti-yip-tip-tip, j'frime, type VIP, d'luire métallique, brille, bouille viride, bic courbi, poitrine virile jaune rougie, il sip brou de nuit, l'épine à bout brandi, une tiote approche, chenille au bic, stourtille candide sur broutille tige, tip trouille, tiote, tiote, tiote, tiote. Tout pour un amour violent de la poésie, pour vider la poésie qui bave de l'ego, naturalise et mysticise, rêve d'amour et d'union, déni, obscurité, obscénité, chaos et cruauté, décore le monde et marche à son pas, même quand elle affirme le contraire au prétexte de quelques énoncés protestataires. La grive de Jean-Pierre Verhaeghen, Ramage et parlage. La grive parle le langage revanchard et mobilisateur des troupes syndicales. Elle a les mots, y compris musicaux, elle est musicienne, rappelons-le, pour décréter en chœur, avec ses affiliés, la grive générale, après avoir camaradé un à un ses affiliés et leur faire entonner quelques chants révolutionnaires, la Grive en vient à leur refrain préféré. Chef, un petit verre, on a soif, et à leur faire scander en chœur, Jojo, président, Bico au placard. Et merci Jacques Bonafé, à demain.